Et maintenant, la chanson du possi. 3, 4. Pas de franchi, franchi, franchi, pas de franchi, franchi, franchi, pas de franchi, franchi, franchi, non, pas de franchiment. Où est-ce que ton miraga, mon fin, car est-ce que pas j'allais qu'il y ait une chara perte, encore une cause, sas? Popajali, i-a-a, popajali, viens tchatcher, oui, popajali, i-a-a, popajali, viens donner un nouveau lyrics plein d'originalité pour toi, raga. Mais quand c'est méchant, quand c'est violent, popajali, dans la danse, le dit tranquillement. Je tchatche pour les Français, je tchatche pour les Occitans, les Africains, les Antillais et ceux du Moyen-Orient. Je suis pas chrétien, je suis pas athée, je ne suis pas musulman. Mes idées, je ne vais pas les chercher dans la Bible ou le Coran. J'ai pas besoin de croix d'étoiles, pas besoin de croissants. J'ai ma propre liturgie et mes propres sacrements. Alors fils du roi, donc je suis un MC permanent. Le paradis c'est pour les morts et l'enfer c'est pour les vivants. C'est pourquoi l'homme est condamné à souffrir très longtemps. Mais quand c'est méchant, quand c'est violent. Faut pas j'aller dans la danse, change de comportement. Mais pour revenir tchara, un troisième lyrique c'est nous citant. Vous voyez les verrés dans sa boule, les godariers pour les godavants. Arrête pour pas j'aller, Kevin de la danse. Plan plan planté par la française, c'est par la patois, t'es par la découpe comme un des violents. Bye, escoute en mi. Hey, qu'est-ce que vous pas une couillon? Tu parles à mes raisons. Mais quand c'est méchant, quand c'est violent Popajali dans la danse revient en énumérant tous les actes de la vie qui lui paraissent méchants ou bien violents, tout dépend selon les événements. À Marseille, ces adjectifs sont employés tout le temps pour désigner quelque chose de fort ou d'important. Boire un perroquet parlant à l'idéal, c'est méchant. Manger la yoli le vendredi en famille, c'est violent. Regarder au fond des yeux de son enfant, c'est méchant. Embrasser ton homme sans maman en lacérant, c'est violent. Mais quand c'est méchant, quand c'est violent. Faut pas j'aller dans la place, reviens le micro en avant. Quand c'est méchant, quand c'est violent. Faut pas j'aller dans la danse, reviens en continu à monter au sommet de mon Ségur en courant. C'est méchant, péché, agnon, on est pas taclé et des sarans, c'est violent. Écoutez chanter Carlotti, le troubadour, c'est méchant. Écoutez parler de secret, Félix Castan, c'est violent. Parcourir les rues de Toulouse en chantant, c'est méchant, crier comme un fou, vivre le piment rigolant, c'est violent. Mais quand c'est méchant, quand c'est violent. Au plus c'est méchant, plus c'est violent, au plus c'est violent, au plus c'est méchant. Faut pas j'aller maintenant, viens te parler des gens qu'il a connu, reconnu pour leurs actes violents. À Marseille et à Toulon, Tatou et Claudio, c'est méchant. À Saint-Etienne, à Aurillac, Wally et Giacomo, c'est violent. À Larazette, à Montauban, à Ziron, Castan, c'est méchant. À Baïa de Toulouse, les fabuleux sont violents. S'il fallait citer tout le monde, il y en aurait plus de sang. Allô, Pato. Quand c'est violent, faut pas j'aller dans la place, reprends pour les mal comprenants. Hey, pour revenir, tchara, une trois lyrique, c'est nous citant. Pose-moi les virées dans sa boule, les golariers, boule, les golavants. Arrête pour pas j'aller, Kevin de la danse, plan, plan, plan. T'es par la française, t'es par la patois, t'es par les coups, car un des violents. Bye, yes, go, dormir.